scientifiques actuels dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrey, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1967, deuxième émission. Nous avons pu entendre lors de la précédente émission consacrée à l'année 1967 un extrait de « Monsieur Cinéma » de Pierre Tchernia. Vous voici donc des cinéphiles incollables. Et en suivant cette série consacrée aux années 60, nul doute que vous pourriez toutes et tous briller à de nombreux jeux. À Monsieur ou Madame Théâtre, par exemple, à Monsieur ou Madame Chanson de Variété, ou à Monsieur ou Madame Événements Internationaux. Révisons. On se demande souvent comment et pourquoi une guerre a-t-elle commencé. Le 9 juin 1967, on se demandait pourquoi la guerre a-t-elle cessé, ou bien a-t-elle vraiment cessé, cette guerre que l'on nommerait bientôt la guerre des six jours. Sans recul historique et pour cause, réflexion sur la guerre israélo-arabe. France Inter. Le journal d'Interactualité Magazine, présenté par Pierre Charpentier. Qu'est-ce que cela signifie ? Depuis ce matin, des dépêches nous apprennent que des combats sont en train de se dérouler au Moyen-Orient, sur le canal de Suez, mais on dit maintenant que le cessez-le-feu serait rétabli, et à la frontière syrienne. Et là, ce seraient des combats assez durs. Les Israéliens auraient pénétré en Syrie il y a trois quarts d'heure environ. Pourtant, tous les États arabes ont accepté le cessez-le-feu, à l'exception de l'Irak et de l'Algérie, mais ils sont loin. Et Israël, de son côté, a accepté aussi le cessez-le-feu. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une remise en question et d'un recommencement de la guerre ? Renseignements pris, vous entendrez d'ailleurs tout à l'heure nos correspondants, parler d'une remise en question du cessez-le-feu, ce serait très exagéré. Une guerre ne se termine pas comme cela, les hommes politiques, les diplomates décident, et il faut ensuite appliquer leurs décisions sur le terrain, et cela demande du temps. Toutefois, on ne peut pas écarter, a priori, l'hypothèse d'une certaine résistance politique dans les États arabes. Admettre la défaite devant les Israéliens, c'est difficile, d'autant plus que si le soutien soviétique manque, l'appui de la Chine populaire aux Arabes qui voudraient continuer la lutte, lui, cet appui n'est pas ménagé. L'occasion est trop belle pour les Chinois de se démarquer des Soviétiques et de dénoncer une nouvelle fois la collusion entre Moscou et Washington. En Chine populaire, d'ailleurs, en ce moment, les autorités organisent des manifestations non seulement contre les Américains, mais contre les Russes. Le problème ce matin, malgré les combats qui ont encore lieu, ici et là, c'est de savoir pourquoi la guerre a cessé. Et là, les interprétations sont divergentes. Poids de la défaite militaire, pression soviétique pour sauver ce qui peut être sauvé, défection des pays arabes conservateurs qui brusquement ont laissé le président Nasser à son sort, ou encore, et pourquoi pas, ruse diplomatico-militaire en vue d'une éventuelle reprise des opérations dans des conditions plus favorables. Vous le voyez, il y a plus d'une thèse en présence, nous en reparlerons dans quelques instants. Nous vous présenterons à la fin de ce journal un document. La conversation enregistrée par les Israéliens, la conversation entre le président Nasser et le roi Hussein à propos de la participation anglo-saxonne à la guerre. Bien, prenons les choses par leur début, Jacques Chabot, ces nouvelles de combat qui nous sont parvenues, ce cessez-le-feu qui n'est pas encore effectivement appliqué. Deux versions à ces événements. Tout d'abord, la version du Caire. Pour le Caire, ce sont les Israéliens qui ont attaqué les premiers et qui ne respectent pas le cessez-le-feu. Le Caire accuse les Israéliens d'avoir attaqué et dans la région du canal de Suez et à la frontière syrienne. L'Égypte affirme également que toutes ses forces qui étaient engagées dans la bataille du Sinaï ont réussi maintenant à franchir le canal et à se réfugier en territoire syrien, en territoire égyptien bien sûr. De violents combats entre blindés égyptiens et israéliens ont eu lieu aux environs d'Ismaïlia, c'est-à-dire pratiquement sur le canal de Suez. D'autre part, l'état-major égyptien affirme que les Israéliens ont poursuivi leurs attaques à l'ouest du canal, c'est-à-dire au cœur même de la RAU. On pense toutefois que ces attaques seraient des attaques aériennes. Mais il semble qu'à l'heure actuelle, tout soit fini, puisque le Caire, vous l'avez dit tout à l'heure, vient d'annoncer que le cessez-le-feu est effectif dans le Sinaï. Israël, évidemment, donne une version différente de ses ultimes combats. André Semama, Jérusalem. Eh bien non, la paix n'est pas revenue sur la frontière israélo-syrienne. Un communiqué diffusé en fin de matinée a annoncé que les forces israéliennes avaient été contraintes d'intervenir contre les bases d'artillerie syriennes qui n'ont pas cessé de bombarder les villages agricoles de Galilée. On déclare à Jérusalem qu'en dépit de la décision d'accepter le cessez-le-feu, Radio Damas a lancé des appels aux membres de l'organisation El Fatah, leur disant que l'heure d'en finir avec les Israéliens était venue. Les forces armées israéliennes se sont donc mises en mouvement et progressent en territoire syrien. Des renforts israéliens sont dirigés vers le nord et les positions syriennes surplombant les villages de Galilée sont sévèrement bombardées. Pour terminer cette séquence consacrée au Moyen-Orient, nous allons vous faire entendre un document. Ce document, nous vous le présentons sans aucun esprit polémique, simplement comme une contribution à l'histoire de cette guerre. Il s'agit de la conversation téléphonique qu'ont eu le 6 juin, c'est-à-dire mardi, le second jour de la guerre, le président Nasser et le roi Hussein de Jordanie entre le Caire et Amman. Cette conversation a été captée et enregistrée par les services secrets israéliens. Vous entendrez d'abord le passage dans lequel le président Nasser annonce au roi Hussein que l'Égypte et la Jordanie vont, ainsi que la Syrie, publier un communiqué soulignant que les avions américains et anglais ont participé à l'attaque aux côtés d'Israël. Puis, nous vous ferons entendre la traduction intégrale de cette conversation. Voilà donc la voix du président Nasser, telle qu'elle a été enregistrée par les services secrets israéliens. Cette conversation téléphonique s'est déroulée le 6 juin entre le colonel Nasser et le roi Hussein. Voici ce qu'ils se sont dit. Nasser, comment allez-vous? J'entends que Sa Majesté, notre frère, veut savoir si les combats se déroulent sur tous les fronts. Un passage inintelligible. Devrons-nous annoncer aussi que les États-Unis collaborent avec Israël? Allô, allô, ne coupez pas. Je n'entends plus. La ligne est très mauvaise. La ligne sur laquelle nous parlons est très mauvaise. Un silence, puis Nasser reprend. Allô, dirons-nous que les États-Unis et l'Angleterre ou seulement les États-Unis? Hussein, les États-Unis et l'Angleterre. Nasser, la Grande-Bretagne a-t-elle des porte-avions? Réponse inintelligible de Hussein. Nasser, bien. Le roi Hussein publiera un communiqué là-dessus et moi je publierai le même communiqué. Hussein, merci. Nasser, n'abandonnez pas. Hussein, bien. Nasser, allô, allô frère, ne vous en faites pas, soyez fort. Hussein, oui, j'entends, monsieur le président. Si vous avez quelque chose, une idée, n'importe quoi, Nasser, nous nous battrons de toutes nos forces et nos batailles se déroulent sur chaque front pendant toute la nuit. Et si nous avons eu quelques ennuis au début, cela ne fait rien. Nous nous en sortirons malgré cela. Dieu est avec nous. Encore un passage inintelligible, puis Nasser continue. Alors, Sa Majesté fera-t-elle une communication sur la participation des Américains et des Britanniques? La réponse de Hussein est inintelligible. Nasser, par Dieu, je dis que je vais publier un communiqué et que vous allez publier un communiqué. Et nous veillerons à ce que les Syriens déclarent aussi que des avions américains et britanniques combattent contre nous à partir de leurs porte-avions. Nous allons donc publier un communiqué. Nous soulignerons bien ce point et gonflerons l'affaire. Hussein, bien, d'accord. Nasser, Majesté, êtes-vous d'accord? Réponse inintelligible. Nasser, mille merci, n'abandonnez pas. Nous sommes avec vous de tout cœur. Aujourd'hui, nous avons lancé nos avions sur Israël. Nos avions frappent les aérodromes israéliens depuis ce matin. Hussein, mille merci, portez-vous bien. Voilà ce document dont on a tant parlé, cet enregistrement effectué par les services secrets israéliens d'une conversation entre le président Nasser et le roi Hussein de Jordanie. Alors nous vous l'avons présenté à titre purement d'information, comme une simple contribution à l'histoire de cette guerre. En 1967, la guerre est aussi au Vietnam. Une marche de la paix est organisée à Washington. Washington retrouve progressivement son calme après 48 heures de manifestations contre la guerre du Vietnam. Cette nuit, quelques centaines de manifestants stationnaient encore devant le ministère américain de la Défense. Michel Onfroy était là. Il est maintenant minuit moins 3 minutes et les manifestants sont invités par haut-parleurs à quitter les lieux. Les manifestants juste en dessous de nous, sur cette petite tribune de presse sur laquelle nous sommes grimpés. Il y a d'ailleurs, je crois, ce soir à cette heure-ci, plus de journalistes présents sur les lieux que de manifestants. Les quelques peut-être 80 ou 100 manifestants qui sont restés là sont en train de chanter des airs traditionnels, We Shall Overcome, ou bien le chant des adieux. Et pendant ce temps, le haut-parleur continue d'inviter tous les manifestants, tous les marcheurs, à s'éloigner, à monter à bord des autobus qui peuvent les raccompagner jusqu'au centre de la ville. Finalement, la police a dû disperser les derniers manifestants. Cette manifestation de Washington, dans l'ensemble, ne s'est pas tellement déroulée dans le calme. Elle aura fait 47 blessés et près de 500 manifestants ont été arrêtés. Pour la première fois dans l'histoire, le Pentagone a dû être défendu contre les manifestants par la troupe. Le président Johnson, lui, a affiché une indifférence complète. Cependant, il a préféré passer le week-end à la Maison-Blanche. Quand on fouille dans les archives sonores ou télévisuelles de l'INA, et quand il est question des années 60 et de la Grande-Bretagne, la grande question est toujours la même. Les Anglais sont-ils prêts à entrer dans le marché commun? Le 26 septembre 1967, Charles de Gaulle est toujours président de la République, Georges Pompidou est toujours Premier ministre. Alors, pour la Grande-Bretagne, vous diriez, c'est gagné ou non? À Strasbourg, à l'Assemblée du Conseil de l'Europe, Lord Chalfont, le ministre d'État britannique au Foreign Office, a prononcé un vibrant plaidoyer pour l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. De Strasbourg, Michel Meyer. Il semble qu'aucun orateur anglais n'ait été plus net et direct. Il faut peut-être expliquer cela par le fait que ce discours ait été l'ultime prise de position anglaise avant qu'à la fin de ce mois, les ministres des six ne se prononcent sur la candidature britannique, entre autres. Quoi qu'il en soit, Lord Chalfont trouva des termes forts pour signifier la détermination britannique. In the past, there may have been ambiguity and indecision. And again, the blame here lies not with one political party or another. But we have now made our choice. Dans le passé, il y a pu avoir de l'ambiguïté et des hésitations, mais nous avons maintenant fait notre choix. Nous avons lié notre sort à celui du reste de l'Europe. Notre destinée est connue, et cela veut dire notre destinée non seulement politique, mais aussi économique. Our common destiny. And this means our political as well as our economic destiny. Et d'insister en s'adressant aux six, nous persisterons jusqu'à ce que des points de vue plus imaginatifs l'emportent. Comme l'a dit notre Premier ministre, nous ne tiendrons pas votre refus comme définitif. Le ministre anglais a aussi fait allusion au rapport présenté le matin par un Français membre de l'Assemblée. Monsieur de Préaumont, c'est le nom de ce rapporteur, devait quant à lui reconnaître une évolution importante de la pensée politique et de l'opinion publique outre-Manche sur la question européenne. Et il spécifiait pourtant que les problèmes ne disparaîtraient pas du jour au lendemain et de souligner qu'au-delà des volontés et des philosophies politiques, restaient des questions économiques difficiles et qu'il faudrait traiter. À suivre donc. Voici du concret, la première greffe du cœur en 1967. Alors, ça se passe au Cap et en France, on s'interroge, on s'inquiète, on réagit confraternellement, bien sûr. Nous avons reçu aujourd'hui une information assez étonnante d'Afrique du Sud. Des chirurgiens du Cap auraient réussi une greffe du cœur. Nous avons demandé son avis au professeur Lenègre. Sur le plan chirurgical, c'est fait chez l'animal et ça ne pose pas des problèmes chirurgicaux extraordinaires. C'est un premier point qui est très simple. Le deuxième point qui est sûr, c'est qu'il faut se procurer des cœurs humains vivants et qu'ils tombent sous le sens de chacun, que ça n'est pas une denrée facile à trouver et qu'on ne voit pas bien comment, à différents points de vue, on peut obtenir un cœur humain vivant. Et la troisième chose qui est importante, c'est que la tolérance, l'acceptation de la greffe par le receveur soulève des problèmes d'immunologie qui sont actuellement non résolus. C'était le 4 juin, le soleil tapait depuis le matin. Je m'occupais de la vigne et mon frère chargeait le foin. Et l'heure du déjeuner venue, on est retourné à la maison. Et notre mère a crié de la cuisine, essuyez vos pieds sur le paillasson. Puis elle nous dit qu'elle avait des nouvelles de Bourg-les-Essonnes. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la Garonne. Et mon père dit à ma mère en nous passant le plat de gratin: la Marie-Jeanne, elle n'était pas très maligne, passe-moi donc le pain. Y'a bien encore 2 hectares à labourer dans le champ de la canne. Et maman dit, tu vois, quand j'y pense, c'est quand même bête pour cette pauvre Marie-Jeanne. On dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon à Bourg-les-Essonnes. Et voilà que Marie-Jeanne Guillaume va se jeter du pont de la gare. Et mon frère dit qu'il se souvenait quand lui et moi et le grand Nicolas, on avait mis une grenouille dans le dos de Marie-Jeanne un soir au cinéma. Et il me dit, tu te rappelles, tu lui parlais ce dimanche près de l'église. Donne-moi encore un peu de vin, c'est bien injuste la vie. Dire que je l'ai vu à la Syrie hier à Bourg-les-Essonnes. Et qu'aujourd'hui, Marie-Jeanne s'est jetée du pont de la Garonne. Après Joe Dassin, voici un petit intermède ludique, encore un extrait des archives télé de l'INA, et de nouveau Pierre Tchernia, de nouveau Monsieur Cinéma, et de nouveau à vous de briller. Eh bien messieurs, je voudrais d'abord attirer votre attention sur le fait qu'il s'agit là d'un document assez rare. Il s'agit d'un extrait de The Dream of a Rarebit Find, un film muet réalisé aux États-Unis en 1906 et qui est connu en France sous le titre Le cauchemar d'un glouton. Il s'agit donc d'un vieux film muet, d'un des premiers essais de trucage. Je voudrais vous demander, monsieur Saada, si vous pourriez répondre à cette première question. Qui a réalisé la même année, en 1906, les 400 farces du diable? Pourriez-vous nous dire le nom de ce metteur en scène? Parfait. Monsieur Vinsonneau, pourriez-vous, en plus, me dire le nom du réalisateur dont nous venons de voir un extrait? Le réalisateur de ce film a réalisé également le célèbre Great Train Robbery, le vol du rapide. Oui. Oui. Monsieur Saada, pourriez-vous me dire l'auteur des dessins de ce film? Car dans le film que nous allons voir, dans une autre séquence, il y a des dessins. L'auteur des dessins de ce film fut également le créateur du personnage de Gertie le dinosaure. Vieux, vieux dessin animé. Oui. Vous pourriez me le dire, c'est parfait. Alors, nous continuons, si vous voulez, dans le genre onirique. Puisqu'il s'agit d'un film qui est l'histoire du rêve d'un glouton. Quatrième question, monsieur Vinsonneau, pourriez-vous me dire le nom de l'auteur de la séquence de rêve dans le film d'Hitchcock, La maison du docteur Edwards? Spellbound. Non. Est-ce que vous pourriez y répondre, monsieur Saada? Non. Non plus. Bon, donc monsieur Saada, c'est vous qui répondrez aux 3 premières questions. Qui a réalisé en 1906 les 400 farces du diable? Méliès. C'est très bien. Qui est le réalisateur de ce film que nous venons de voir, qui est aussi l'auteur du Great Train Robbery? Potter. Edwin Potter. Troisièmement, le nom de l'auteur des dessins de ce film, qui fut également le créateur de Gertie le dinosaure? Winsor McKay. Winsor McKay, c'est très bien. Eh bien, monsieur Saada, voici 3 points qui s'inscrivent à votre totalisateur. 5-3. Le jeu est bien parti et nous passons à la troisième question, ou troisième extrait de film. Regardez bien, messieurs. Les questions viendront derrière, bien entendu. On ne saura jamais quel était cet extrait de film. En revanche, l'auteur de la séquence du rêve dans la maison du docteur Edwards, ça vous le saviez, bien sûr, c'était Salvador Dali. Le temps d'un banquet pour fêter les 20 ans du cabaret Les Trois Baudets, créé par Jacques Canetti. Jacques Canetti qui, en cette année 1967, allait lancer Serge Reggiani dans le tour de chant. Le temps d'un banquet, donc, sont réunis Jacques Brel, Georges Brassens et Raymond Devos. La radio, comme souvent, comme on voudrait qu'elle le soit toujours, était présente, et nous aussi, du coup. Jacques Canetti, vous avez réuni tant d'amis autour d'une table tellement sympathique que j'aimerais que vous m'en parliez vous-même. Dites-moi, pourquoi nous sommes tous ici et puis aussi qui il y a ? Nous sommes tous ici parce qu'il est aujourd'hui le 16 décembre 1967. Or, le 16 décembre 1947 s'ouvrait un théâtre, un petit théâtre à Montmartre qu'on appelait le Théâtre des Trois Baudets, qui a ouvert ses portes à beaucoup d'artistes, et tous ces amis que vous voyez ici sont ceux qui sont passés au Théâtre des Trois Baudets, qui ont en quelque sorte apporté aux Trois Baudets le lustre de leur talent. On a rarement vu autour d'une table et presque au centimètre carré autant de visages célèbres depuis presque 20 ans, n'est-ce pas, Georges Brassens ? Oh ben, il en manque quand même. Enfin, en face de moi, là, je vois Brel, je vois Robert, Davos, Marlich, Schaeffer, enfin, plein de gens qui ont débuté aux Trois Baudets, quoi. C'est vrai. Pour vous, c'était quand ? Pour moi, ça devait être en 52. Je crois que Jacques Brel aussi, c'était à peu près dans cette période. Et comme il est très difficile de faire une conversation à plusieurs, parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous, j'aimerais que vous me racontiez, vous, Georges Brassens, quelques souvenirs de 1952. Ça, c'est de vos. Des souvenirs de Trois Baudets, je pense qu'il vaudrait mieux demander à des spécialistes, des gens comme de vos, de vous raconter ça, parce que moi, je ne suis pas tellement doué pour rappeler le passé, vous voyez, pour le... Je vous parle du passé de Georges Brassens seulement. Oui, oh ben, s'il faut parler de moi, c'est relativement plus facile et en même temps plus difficile, enfin. Alors, en réalité, vous en parlerez bon, mieux. Bon, alors on va changer tout à fait. Qui avez-vous connu en 1952 ? Eh bien, je vous le disais, j'ai connu Brel. Parlez-moi de Brel, tout simplement. Ben, Brel étant en face de moi, il m'est difficile de parler de lui sans le faire rougir. Enfin, on est de vieux amis, j'aime beaucoup ce que fait Brel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À ce moment-là, vous... Je suis pas un spécialiste des dithyrambes, moi, vous savez. Non, mais à ce moment-là, tous les deux, vous n'étiez pas encore célèbres. Non. Alors ? Oh ben, ça se passait vous très étiez bien bon, quand même. De bons jeunes gens ? Je pense pas qu'on ait fait de beaux jeunes gens. Enfin, en ce qui me concerne, je crois pas. Moi, je crois que c'est en vieillissant que j'ai embelli. Mais non, on était des gens qui étaient passionnés de chansons et qui ne pensait qu'à ça. Et puis vous n'étiez pas riche. On n'était pas pauvres non plus. On s'en foutait, quoi. On aimait les chansons. On manquait de rien, vous savez. On manquait de rien. Moi, en ce temps-là, je ne manquais de rien. Mais vous aviez des espoirs. J'avais besoin de rien. Oui, j'avais l'espoir que mes chansons arriveraient à atteindre certaines personnes. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je continue d'avoir le même espoir qu'à cette époque-là. Je suis tout neuf, quoi. Je suis comme avant, j'espère que je vais faire des chansons qui arriveront encore à atteindre leur but. C'est difficile de faire parler Georges Brassens, j'espère que je vais avoir un petit peu plus de chance avec vous, Jacques Brel. Vous allez me parler un petit peu de vous d'abord, j'espère bien, parce que lui a refusé tout à fait. Oui, il y a un an de décalage, je suis arrivé en 53. Et vous l'avez rencontré, lui, à ce moment-là ? Oui, oui. Oui, il venait parfois dire bonjour. Hein ? Tu venais parfois dire bonjour à cette époque-là. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et vous, que chantiez-vous en 1953 ? Oh, je ne sais plus très bien ce que je chantais, mais la première fois que j'ai chanté, c'était en plus la première fois que je chantais dans ma vie, j'ai fait pipi dans ma culotte. C'était un titre ou... Non, j'ai fait pipi sur ma culotte. Ouais, un spectacle avec Mouloudji. Ouais. Vous ne savez plus les titres des chansons que vous aviez à ce moment-là ? Il y avait une chanson qui s'appelait « Il nous faut regarder ». Et les autres, je me souviens plus très bien. Sur la place. Sur la place. Le diable. Le grand Jacques. Non, c'est De Vos, parce que De Vos est assez jalouse, Midi, parce que comme je suis flamand et qu'il dit qu'il est flamand partout, alors qu'en réalité il n'est que Picard, il essaye de... Ben, lui, il parlera beaucoup mieux que Georges ou moi, parce que c'est un marrant, lui. La différence entre la Flandre et la Picardie, Jacques Brel pétanque en Picardie ne pousse que des radis et qu'en Flandre il pousse des betteraves, ce qui montre la différence. La grosse, ce qu'on appelle la grosse radis. Voilà, la grosse radis. L'arbitre étant Yves Robert. Yves Robert, vous aussi, vous avez fait vos débuts il y a 20 ans avec Jacques Canetti au Trois Baudets. Fait mes débuts, pas tout à fait. J'existais déjà un petit peu, j'étais déjà assez grand. Et Jacques Canetti m'a offert de monter des spectacles au Trois Baudets. Et pour dire qui était Jacques Canetti et ce qui se passait aux Trois Baudets, j'ai eu l'extraordinaire chance de passer un jour une audition en 1948 ou 49. Et j'ai retenu... pour présenter à Jacques Canetti deux personnes, Un pour faire une doublure, et puis un autre pour être le compère de la revue. La doublure, c'était Fernand Reynaud, et le compère de la revue, c'était Robert Lamoureux. Voilà ce qui se passait aux Trois Baudets. Je n'ai rien à dire de plus. Et vous, Raymond DeVos, ça remonte à quand, les Trois Baudets, pour vous? Ça remonte à 10 ans déjà. Non, ce que je constate, même, et c'est ce qui est merveilleusement agréable, c'est que à l'époque, il y avait tous ceux que vous voyez, il y avait tous ceux que vous voyez aujourd'hui. Fermez vos gueules. Et à l'époque, c'était des gens qui pratiquaient leur métier, tout simplement. Nous étions tous des amis, nous faisions notre travail. Et c'était un travail merveilleux, je veux dire, ça se passait dans des conditions extraordinaires. Et aujourd'hui, en nous retrouvant, on s'aperçoit que pour la plupart, tous ces jeunes artistes sont devenus des vedettes. Et on a l'impression qu'on est devenu des vedettes sans le savoir, ni même sans rendre compte. Et je trouve que c'est ça qui est merveilleux aujourd'hui. Excusez-moi de donner une petite note un peu sensible à cette réunion d'aujourd'hui, mais je crois qu'il faut tout de même, elle existe. Aujourd'hui, il n'y a que des vedettes ici. Et ce mot n'est peut-être pas très joli, d'ailleurs on ne devrait pas le prononcer aujourd'hui. Vous vous retrouvez grâce à Jacques Canetti aujourd'hui. Est-ce que cela vous arrive de temps en temps dans la vie d'être ensemble, le soir, après le spectacle? Bien, vous savez, il nous arrive de nous rencontrer, mais tout à fait exceptionnellement. C'est-à-dire que ce n'est pas, lorsque nous nous rencontrons, ce n'est pas en le voulant. Et c'est ça qui est peut-être un petit peu mélancolique, disons. Mais c'est normal, le travail, le métier nous écarte les uns des autres. Mais justement, M. Canetti nous a donné l'occasion aujourd'hui. Vous écarte parce que vous avez l'habitude, quand vous passez quelque part et quand vous travaillez, de vous imaginer que vous n'avez que ça à faire. On peut très bien voir les gens. Moi, je suis venu te voir deux fois en un mois et demi, là. Qu'est-ce que tu racontes, et Brel va dire pareil, on habite alors Brel, sûrement. Non, il faut dire que c'était une époque où la chose était artisanale. Et que maintenant, la généralité, enfin en général, tout est tombé dans l'industrie. Ce n'est pas à cause, c'est le mouvement démographique d'une part et économique d'autre part. Et tout est tombé dans l'industrie, alors qu'avant, tout était pratiquement, je crois que M. Canetti sera de mon avis, était artisanal. Il y avait autrefois, le cœur pouvait pallier à certaines déficiences économiques. On est bien d'accord aussi. Absolument. On avait le droit, il y a 15 ans ou 20 ans, tout individu avait le droit d'aller d'échec en échec, mais en souriant. Actuellement, il est très difficile d'aller d'échec en échec en souriant. C'est devenu le temps est devenu un peu plus angoissé, enfin, pour tout ça, n'est-ce pas? J'espère que Georges et Raymond sont de mon avis. Oui. Et le regret qu'on a finalement de tout ça, oui, le regret qu'on peut avoir de tout ça, c'est l'absence justement de ce côté un peu amateur, il faut bien le dire. On pouvait à l'époque, les gens, même des vedettes, qui était au Baudet, parce qu'il y avait des grandes vedettes au Baudet. Moi, quand j'y suis passé, j'ai débuté, j'étais numéro 1, j'ai fait quand même 4 ans numéro 2, je crois, ou numéro 3, enfin, des choses comme ça. Mais la tête d'affiche, ce qu'on appelle la tête d'affiche, pouvait se tromper. On avait le droit de se tromper. Moi, j'ai vu les têtes d'affiche se tromper complètement dans un tour de champ. On est bien d'accord. Actuellement, il n'est plus question de se tromper totalement dans un tour de champ. Vous êtes bien d'accord aussi. C'est devenu industriel. C'est un peu dommage. Et peut-être que c'est bien pour les gars qui vont venir après. Enfin, c'est très bien tout ça. Raymond DeVos, pardon. Ce qui est peut-être plus angoissant, c'est de penser qu'à l'époque, on pouvait vivre en faisant ce métier. Quand je dis vivre, je ne parle pas de la chose pécuniaire. Hein. Je parle vivre, vraiment vivre. Alors que maintenant, on a un peu l'impression que les vedettes ne vivent plus, dans le sens large du terme. Ça, c'est dommage, c'est triste pour eux, pour elles, pardonnez-moi. C'est triste parce que ça se dessèche. Et alors, la course comme ça au succès, ça peut être redoutable. Nous, on est arrivés au succès un petit peu, si vous voulez, parce qu'on a continué. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas... Vous voulez dire... Il y avait une règle d'or qui existait au Baudet, on n'était pas pressé. Vraiment, je peux dire mais que... Mais il faut dire ça, c'était Canetti qui faisait ça même, parce qu'il y en avait déjà à ce moment-là qui étaient pressés. Il faut rendre cette justice à Canetti, qui a sans doute d'autres défauts, mais il avait cette qualité. Quand il avait confiance en un artiste, l'artiste pouvait se payer le luxe de n'avoir pas de succès pendant X temps, pendant 6 mois. Je compte que la mise au monde d'une vedette à l'époque était de 3 ans. Et si quelques-uns ont été plus rapidement vedettes que les 3 ans réglementaires, certainement les 3 ans ont permis à tout le monde de prendre racine, c'est-à-dire d'avoir des racines réelles avec le public. On sentait, d'où la vedette sentait ce qu'il avait à dire, parce qu'il avait pratiqué toutes sortes de publics. Il avait pratiqué les publics de près, car les Baudets, c'est une toute petite salle, il faut bien dire. Nous étions une salle de 220 ou 230 places, et chaque artiste qui passait devait réellement répondre exactement ce qu'attendait le public de lui. Et s'il ne répondait pas à ce qu'attendait le public de lui, ça ne marchait pas. Mais il avait le temps, petit à petit, d'aménager son tour de chant, d'aménager sa manière de le présenter, car très souvent, le tour de chant était bon, mais la manière de le présenter ne l'était pas encore. Et les Trois Baudets ont eu comme principal mérite, si j'ose dire, de permettre aux artistes de prendre leur distance et de savoir exactement comment présenter ce qu'ils avaient à dire au public. C'est ça, d'arriver à terme. Tu veux dire qu'il y en a qui arrivent maintenant avant terme? Non. Ce qui se sent un petit peu autour de cette table et entre vous, Jacques Canetti, Raymond Devos, Georges Brassens, Jacques Brel, c'est que vous avez tous bonne conscience. La conscience. Ah non. Ah. Ah non, on n'a pas bonne conscience. Non. Ah non. Ah non. Ah non. Non. Non, je jure que. Enfin, non, je jure que on n'a absolument pas bonne conscience. On est d'accord, non? Personne n'a bonne conscience. C'était ce collègue. Par rapport à votre métier que vous avez fait. Si, par rapport. Alors, mettons au point de vue métier, on peut dire que tous ceux qui sont ici. Nous n'avons rien fait, nous aimions ça. Si vous avez fait votre travail honnêtement. Mais non, nous ne le faisions pas honnêtement. Il y a eu deux phénomènes. C'est que, d'une part, il y avait les Trois Baudets avec Canetti, et c'était le début du disque. Parce que les deux phénomènes étaient liés. On est bien d'accord, Canetti? Bien. Parce que les Trois Baudets sans disque, ce n'était pas ça. Et les Trois Baudets avec plein de disques partout, comme actuellement, ça n'aurait pas pu être ça non plus. Exactement. Ça, on ne sait pas. Oui, mais enfin, on peut redouter des choses. Oui, mais enfin, à cette époque-là, on peut redouter des choses. Et qu'à l'époque, finalement, tous les gars qui étaient aux Trois Baudets étaient fous de joie le soir, ayant rempli pendant 4, 5, 6 ou 10 minutes la fonction qu'ils rêvaient de remplir, rentraient chez eux et avaient un billet de 1000 francs en poche pour manger. Ça correspondait à un cadeau. Ce n'était pas un dû. Moi j'avais l'impression, tous les soirs ayant chanté mes trois conneries, j'avais l'impression qu'on me faisait un très joli cadeau. On me laissait chanter et on me donnait 1000 balles. J'étais un homme heureux. C'était pas encore une industrie. Je crois que c'est ça. Nous, on pensait vaguement qu'on pourrait peut-être un jour vivre de ce que nous faisions, mais enfin, c'était pas pour ça que nous le faisions. Et effectivement, comme il y a des tas de gens finalement qui sont prêts à payer pour chanter, et il y a des maisons d'ailleurs qui paient pour que des gens chantent, on considérait que le fait d'être payé, c'était presque une extravagance, quoi. C'était paraissait normal. Je crois que justement, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas tellement. Nous ne sommes pas contents de nous. Mais je crois que nous souhaitons quand même secrètement que ceux qui nous succéderont, c'est très prétentieux ce que nous disons, mais après tout, on est prétentieux. Ceux qui nous succéderont retrouvent ça, je crois, gardent ça, cette espèce de souplesse. Mon Dieu, on fait des choses et on n'est pas obligatoirement obligé de réussir à tous les coups. Il faut une certaine souplesse dans les choses. Et je crois que réussir à tout prix, c'est déjà une chose épouvantable. Je ne pense pas que l'on se disait à l'époque, on réussira absolument. On faisait des choses en essayant qu'elles marchent. Voilà. C'est pourquoi je dis que vous avez bonne conscience, dans le sens de l'honnête homme qui a vécu selon... Bien sûr. En réalité, la grosse différence entre les deux époques, c'est qu'à l'époque, tous les gars qui débutaient étaient vedettes, mais ils étaient seuls à le savoir. Actuellement, tous les gars qui débutent, tout le monde le sait sauf eux. Et c'est finalement un peu emmerdant quand ça se passe sur scène. Et vous vous sentez liés ensemble par une amitié très, très solide, je pense. Ça dépend de qui. Hein. Ça dépend de qui. On n'aime quand même pas forcément tout le monde. Il ne faut pas charrier. Pourquoi est-ce que vous regardez Raymond Devos? Oh ben non, pas Devos, il n'y a pas de problème. Ni Jacques non plus, enfin. Moi, je parle de vous quatre, simplement. Ah ben non, pour nous, il n'y a pas d'histoire. Nous sommes des amis, nous continuons à nous voir en dehors des Trois Baudets, malgré ce qu'ils racontaient tous les deux. Là. Parce qu'encore une fois, j'insiste, ce matin, j'ai téléphoné à Brel, moi. Il faut dire qu'il m'avait téléphoné aussi avant. J'ai bu Devos deux fois dans le mois, Socrate. Qui dit mieux? Ah oui. Bon, alors lui, moi, dit qu'on ne se voit jamais. On se voit jamais parce qu'ils sont occupés. Mais vous ne payez pas votre place. Vous vous occupez à des rien. Finalement, non. Finalement, la chose la plus emmerdante au monde, c'est qu'on ne débute plus. C'est ça qui est embêtant, c'est de ne pas débuter. Je ne suis pas ton Mais toi, tu n'es pas de mon avis parce que tu as une grosse tête et que tu es orgueilleux comme un pou, que tu es un frontalier, que tu dis tout le temps qu'il est flamand. Cet homme dit tout le temps qu'il est flamand. Je parle de Vos. Il est picard. Il y a une énorme différence entre un picard et un flamand. On n'a jamais vu. Est-ce que Bruegel était picard? Je te pose la question. Vous n'allez pas vous autres, les Belges, venir foutre la merde ici. Pourquoi pourquoi Brel a-t-il abandonné le métier? C'est pour pouvoir redébuter? Non. Non, j'ai abandonné. Je n'ai pas abandonné du tout. J'ai arrêté de chanter pour te laisser causer. Tu le sais très bien. Tu ne vas pas m'insulter parce que j'étais correct et gentil vis-à-vis d'un ouvrier frontalier. 20e anniversaire de la fondation du Théâtre des Trois Baudets, au micro de Micheline Sandrel, le 16 décembre 1967, Jacques Brel, Georges Brassens, Raymond Devos, Jacques Canetti. Jacques Canetti, qui venait de lancer Serge Reggiani. Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux, on va bien jouer ensemble, on est là tous les deux, seuls. Ce soir, elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Elle écrira demain peut-être, nous aurons une lettre. Il pleut sur le jardin, je vais faire du feu. Je n'ai pas de chagrin, on est là tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, il pleut dans ma mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il fait un peu froid ce soir. Une histoire de gens qui s'aiment, une histoire de gens qui s'aiment. Tu vas voir, ne t'en va pas, ne me laisse pas. Je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour. Je ne peux plus grand-chose, mon garçon, mon amour. Variété, chansons encore. Bien sûr, votre mémoire discographique est affective et formelle. Je t'aime, moi non plus. C'était en 1969. Gainsbourg et Birkin. Oui, sauf que ce disque avait failli sortir dès 1967, mais interprété par une autre chanteuse. Histoire de cette non-diffusion racontée par Gainsbourg lui-même, très, très dépité. Pendant que les uns descendent les pistes enneigées ou préparent leur équipement pour les sports d'hiver, que d'autres passent ce premier réveillon au spectacle, des dizaines d'artistes, de chanteurs et de musiciens redoublent d'activité. Oui, sans doute, puisque théâtre et cinéma affichent complet pendant les jours à venir, et surtout pour le réveillon, celui du jour de l'an en l'occurrence. L'atmosphère de recueillement de Noël a même donné des regrets à l'un de ces artistes, en l'occurrence Serge Gainsbourg. Il vient d'écrire et d'enregistrer une chanson avec Brigitte Bardot. Son titre, vous ne le connaissez peut-être pas encore, « Je t'aime, moi non plus ». Je n'ai pas eu l'occasion d'entendre ce disque, mais paraît-il, il n'est pas à mettre sur tous les électrophones. C'est un poème d'amour qui, paraît-il, pourrait choquer certaines oreilles. Serge Gainsbourg vient donc d'écrire à la firme qui édite ses disques en demandant en dernière minute que cette chanson « Je t'aime, moi non plus » ne soit pas publiée. Nous lui avons demandé ce qui a justifié une telle décision. Il y a eu un article scandaleux dans un journal scandale. Pas question de faire un scandale avec ce titre parce qu'il est trop beau. Oui, « Je t'aime, moi non plus ». Oui, c'est un disque érotique, évidemment. Ce qui aurait été interdit au moins de 18 ans. Mais la musique était très pure. Pour la première fois de ma vie, j'écrivais une chanson d'amour. Voilà. Et voilà ce qu'il y en est. Je faisais des chansons cyniques et on les acceptait. J'écris une chanson d'amour, on la prend mal. Alors. Puis je chantais cette chanson avec Bardot qui interprétait ça de façon merveilleuse. Et vous êtes satisfait de cette coopération? Très bien, ravi même. Elle chante bien? Ah oui, là je vais chanter de façon dramatique et c'est très bien. Vous passez un bon Noël? Seul, oui. En 1967, rappelons-le, nous sommes un an avant 1968. Qui sont les jeunes de 1967? Il y a jeunes et jeunes. Les jeunes pour qui les portes sont fermées, les jeunes qui forcent les portes, les jeunes qui réussissent. Qui réussissent quoi? Réponse dans Recherche de notre temps, le 14 mars 1967 sur France Culture. Dans son ouvrage « La montée des jeunes », Alfred Sauvy parle du grondement des masses jeunes devant les portes fermées. Étant bien connu que les exceptions expriment elles aussi, et à leur manière, les phénomènes généraux, nous avons interrogé des jeunes qui ont su forcer les portes. Pas des universitaires. Aussi brillants soient-ils, ces jeunes-là prolongent le plus souvent la tradition, mais plutôt des jeunes d'affaires. Des stylistes, un directeur artistique, une vedette de la chanson, et enfin ce que l'on appelle maintenant un spécialiste des relations publiques. Point commun, ils n'ont pas 30 ans, et la plupart brassent des millions, de nouveaux francs bien sûr. Leur principe, ne pas être dans le vent, le créer. Mais d'abord, que je vous présente les personnages. En tête s'avance Sheila, qui nous offre l'image d'une vedette, ou de l'excès avant toute chose. Je viens du midi dimanche pour un corso fleuri à Sainte-Maxime et j'ai été mercredi pour une chose très importante pour moi, étant donné que c'était la première de mon film. On est parti avec 90 journalistes. On est arrivé à Nice, il était 8h du soir, j'étais me changer au Negresco. Et après, on a été au cinéma Variété, puisque c'est là qu'avait lieu la projection du film. Il y avait 2000 personnes dehors qui se sont jetées sur moi. J'ai mis plus d'une demi-heure pour rentrer dans la salle. Quand je suis arrivée dans la salle, il y avait 1500 personnes debout. Et enfin, ça m'a fait très plaisir parce que je ne pensais pas du tout que les gens réagiraient comme ça. Et alors évidemment, on avait prévu de retenir 90 places pour que les journalistes soient assis. Seulement, les gens avaient envahi la salle depuis 7h du soir avec des petits sandwichs. Et impossible de les faire lever, ce qui fait que tout le monde a vu le film debout. Tous les invités ont vu le film debout. Enfin, ça s'est quand même très bien terminé parce que j'ai eu l'impression que les gens s'amusaient. Et après, une fois que le film a été terminé, j'ai reçu 200 kilos de mimosa. Pour Christian Fechner, 22 ans, c'est lui qui inventa le très célèbre Antoine, un directeur artistique doit être plus qu'un père. S'occuper d'un nouvel artiste, enfin, c'est pour moi prendre un artiste, c'est lui trouver un répertoire qui ne fait pas ses chansons. S'il fait ses chansons, choisir les chansons qu'il va enregistrer, corriger certains défauts s'il ne chante pas très bien ou si le texte d'une chanson n'est pas parfait. Et c'est également lui apprendre à se tenir sur une scène, à s'habiller quelquefois, à se coiffer, à faire une séance de photo, à répondre à une interview, enfin, etc., etc. Enfin, s'occuper d'un artiste, c'est coiffer tous les secteurs de sa carrière. J'essaie, si vous voulez, de raccourcir les distances. Avant, il fallait 10 ans à quelqu'un pour devenir une vedette. Maintenant, moi, je pense qu'on peut le devenir en 2 mois. Voici maintenant deux images de la mode que nous proposent Michel Firer et Liliane Dreyfus. Deux images d'un même art qui tissent dans le même temps la quiétude et l'affolement. J'ai toujours été attiré par la mode proprement dit et j'ai, comment dirais-je, fait une école de modéliste. Et en sortie de cette école, j'ai travaillé dans la couture. Et la couture pour moi était plus ou moins difficile, c'était un milieu très, c'était ingrat. Et là, je me suis dirigé sur le prêt-à-porter. Et le prêt-à-porter a très bien marché. Et au bout de quelques années de maison, je me suis donc installé à mon compte dans le prêt-à-porter, comme fabricant. Et puis, je suis venu donc au détail. Et ceci va faire 9 mois que je suis installé rue de Sèvres. Et je suis en train de monter les autres boutiques en étranger. Je crois que je suis avant tout femme. Enfin, je mène une vie très normale. J'ai des enfants, j'ai 2 enfants, j'ai un mari, je m'occupe de tout. Donc, avant tout, j'ai des réactions de femmes. Et les femmes, vraiment, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ont un désir, mais physique, d'une robe. Elles ont envie, elles vont courir dans tout Paris, essayer de trouver du tissu n'importe quoi, le faire confectionner par une petite couturière. Elles ont envie d'une robe comme ça. Mais de toute façon, c'est physique. Et je crois que quand un magasin est bourré de marchandises, avec de la très belle marchandise, et que les femmes rentrent là, elles sont prises comme ça à la gorge, et elles vont, elles s'affolent, elles touchent les laines, les soies, les Shetland, elles essayent, elles mettent ça devant elles, c'est vraiment, ça devient, c'est fantastique, c'est contagieux, les sols, tout le monde s'arrache le même truc, enfin, c'est merveilleux. À l'étage au-dessus, mais il ne s'agit pas de jugement de valeur, Franklin Souamy, 26 ans, importateur-exportateur. J'ai un réseau de distribution que j'aurais souhaité avoir bien avant. Vous êtes toujours seul ? Ah, bien non, maintenant, je ne suis plus seul parce que ça ne serait pas possible. J'ai 3 secrétaires, j'ai 1 magasinier et 6 représentants. Et 1 comptable, bien sûr. Et vous faites Paris seulement, enfin ? Toute la France. Toute la France. Paris et l'étranger, puisque je vends même à l'étranger. Je vends en Angleterre, j'ai la représentation exclusive de Burlington, des chaussures, de ma marque de chaussures Sisley et des pullovers, j'ai la représentation exclusive sur le marché commun. Alors par exemple, Burlington, oui. Pour prendre cet exemple, c'est américain, ça. Mm-hmm. Ce sont des chaussettes qui viennent d'Amérique. Qui viennent d'Amérique. Mais en quoi elles se distinguent d'autres chaussettes ? Eh bien, par leur qualité, leur composition et surtout les couleurs. Si vous voulez, au départ, quand j'ai connu l'affaire Burlington, c'est une fabrique qui manufacturait cet article en 43 coloris. Et j'ai réussi à faire admettre aux Américains que s'ils voulaient élargir leur vente sur la France, il fallait qu'ils fassent spécialement pour moi des nouveaux coloris. Je leur soumettais des échantillons de couleurs et il fallait que d'après ces échantillons de couleurs, ils me teignent les chaussettes. Au rayon à côté, Didier Bernardin, 25 ans. C'est lui qui a lancé le badge en France. Le badge, ces petits insignes ronds que l'on accroche au revers de son veston et sur lesquels on peut lire, entre autres, « Je suis un génie » ou bien « Je suis un monstre » ou encore « J'aime les filles » ou encore « I am a sex maniac ». Vous qui faites de l'information, vous n'êtes pas au courant de l'envie fantastique. Moi, quand j'ai fait ce truc-là, c'était une envie parmi d'autres. Si vous voulez, c'était un besoin réel parmi d'autres de m'exprimer, peut-être enfantin, peut-être inconscient, mais enfin, c'était un besoin quand même, au milieu de mille autres besoins. Et c'est la preuve que ça a quand même fait une bombe terrible, ce truc-là. Même si je ne suis pas le seul, même si les fabricants de porte-clés, qui sont, eux, extrêmement organisés, m'ont beaucoup aidé en croyant me faire concurrence pour lancer le truc. Ça veut dire qu'aussitôt que ça a un petit peu démarré, ils ont compris que c'était bien, ils l'ont exploité autant que j'ai exploité moi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'industriels qui en fabriquent maintenant. Autrement dit, j'ai persuadé personne d'acheter des badges. J'ai simplement fabriqué quelque chose dont les gens avaient un besoin latent, c'est tout. Pour terminer la présentation de nos héros, il va être question d'un métier encore mal défini, d'un métier qui se cherche en cherchant des clients. Franklin Loufrani, quel âge avez-vous ? J'ai 24 ans, depuis le 25 octobre, donc je marche sur ma 25e année. Et que faites-vous ? Quelles sont vos activités à l'heure actuelle ? Mes activités à l'heure actuelle ? Vous voyez ici, on est avenue Georges V. J'ai un bureau de relations publiques que j'ai créé il y a de cela 6 mois. Ce bureau, si vous voulez, a pour but de faciliter les relations avec la presse et avec le public. En général, les clients que j'ai d'abord sont des clients que je prends à l'année pour plus de sécurité. Quel genre de clients ? Si vous voulez, mes clients, c'est surtout des clients jusqu'à présent de mode. C'est-à-dire que j'essaye que la mode parte de l'avenue Georges V. Pour toujours, et ça je n'arrêterai pas de répéter, pour une certaine catégorie et pour un certain marché. Il faut toujours penser au marché et à la catégorie socio-professionnelle à laquelle vous vous adressez. Mon marché à moi, c'est, si vous voulez, ça dépend de mes clients. Notre première table ronde, ou plutôt notre première fausse table ronde, car il s'agit bien sûr d'un montage radiophonique, aura pour sujet les jeunes. Il ne s'agit pas à l'heure actuelle et à proprement parler d'un sujet original. Nous nous sommes néanmoins demandé si des jeunes oseraient aborder ce problème numéro un pour les adultes, même pour les adultes qui ne font pas de politique. Ils ont osé, et pour une fois, si l'on me permet cette image, ils se sont penchés sur eux-mêmes. Ce que je crois, c'est que maintenant les jeunes commencent à avoir une vie d'adulte plus tôt. Je crois que c'est ça tout le truc, non ? On dit, je crois qu'à partir de peut-être 16 ans, 17 ans, il y a beaucoup de jeunes gens qui peuvent déjà avoir une vie, c'est-à-dire avoir une voiture, presque vivre dans un studio tout seul et sortir dîner le soir. Ça veut dire qu'ils ont une vie. Et travailler et gagner leur vie. Mais c'est une vie d'adulte. On travaille. Bon. De toute façon, j'estime que maintenant, à 26 ans, on est déjà une personne d'un certain âge. Oui. Parce que les idées viennent de toute façon des moins de 20 ans, je crois. Je suis persuadé que, comme moi, à l'époque où j'avais moins de 20 ans, j'étais débordant d'idées, je suis persuadé que dans la masse de ces jeunes, il y en a un ou 10 ou 20 qui ont des tas d'idées qui sont très, très bonnes et que personne ne veut y croire. Et vous vous sentez vieux ? Ah oui, moi personnellement. De quelle façon ? Bien, écoutez, que je commence, si vous voulez, à moins bien réaliser les mœurs des jeunes que je les réalisais il y a 2 ans, si vous voulez. Parfois, elles me choquent. La jeunesse recule de plus en plus. Avec, si vous voulez, la vague de ce qu'on appelait le vieillir en France, eh bien, tous les types qui avaient entre 15 et 17 ans ont eu leur monde à eux. C'est-à-dire, ils ont eu leurs journaux, leurs émissions de radio, leurs émissions de télévision, leur mode, leur magasin de vêtements, leur coiffure. Enfin, ils ont eu un monde dans lequel ils se sont intégrés. Peut-être que la révolte viendra de types qui seront beaucoup plus jeunes, qui auront 12, 13 ou 14 ans, pour qui ce monde-là sera déjà un monde dépassé, un monde dans lequel ils ne s'intégreront pas. Je crois que le jeune à l'heure actuelle est un peu dépassé par les événements. Et il est jeune, il le sait, il veut profiter. Il veut s'évader du climat familial, de toutes ces choses qui l'entourent. Et il veut évoluer seul, il veut faire des tas de choses. Et je crois vraiment qu'il est dépassé d'ailleurs. Les sociétés françaises font de gros efforts pour faire connaître leur marque. Bien. Elles dépensent des millions pour faire connaître leurs produits et leur label. Bien. Phénomène porte-clés, les jeunes collectionnent les porte-clés. La collectionnite, qu'est-ce que c'est ? It, en grec, c'est la maladie. La maladie de la collection. Les enfants de 5 à 12 ans se mettent à collectionner les porte-clés. Du jour où les enfants ont désorganisé ce marché parce que c'était eux qui influencent le plus parce qu'ils voulaient des porte-clés, eh bien, tout le marché a été mis en l'air. Et le Graf Rollheim, c'était pas non pas des marques concurrentes de grosses sociétés, c'était des marques inconnues d'huile, de moutarde, de chocolat, de pain d'épices, qui se sont mis à vendre et qui ont émergé sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'elles donnaient 4 porte-clés, elles en donnaient un de plus que les autres marques. Alors il fallait tuer le porte-clés. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène mini-jupe ? Ah, c'est très triste à mon avis. C'est très triste parce que ça prouve qu'on est dans une période décadente. Ça a été ça en 25, sous le directoire où les femmes portaient des robes insensées, elles étaient à moitié nues. Enfin, à chaque fois qu'il y a une période comme ça, après un conflit important, après la guerre de 14, donc il y a eu la réaction, enfin, les femmes, comme ça. Et là, après toutes les années terribles, la guerre atroce et la guerre qui n'arrête pas. Voilà. Les femmes se déshabillent. Oui, je crois que c'est ça, c'est les mœurs qui se relâchent, c'est vraiment. C'est triste, c'est pour ça. Non, très pas. Comment vous sentez-vous que réagissent les jeunes, enfin ? Comment ils se situent au milieu de ça ? Il y a un désenchantement total et très triste. Et les jeunes filles sont pas des jeunes filles. À 15 ans, sont des femmes conscientes, enfin, tristes, très tristes. Il n'y a pas d'exubérance, tout est... Non, c'est... elles ne devraient pas, il n'y a plus d'adolescence. Été complètement supprimées, le monde insouciant, elles sont terriblement conscientes et responsables, même si elles ne savent pas de quoi elles sont conscientes et responsables. Elles sentent ça, ça pèse sur elles, et elles sont désaxées, enfin, terriblement. Voici un duo improvisé, ou plutôt fabriqué, entre une vedette et un directeur artistique qui n'est pas son impresario. Une vedette, pour moi, c'est quelqu'un qui est une vedette dans tout ce qu'il entreprend. Une vedette, c'est pas quelqu'un qui fait un numéro 1 à la radio ou des numéros 1 à la radio ou qui est toujours à la tête du hit-parade. Une vedette, c'est quelqu'un qui est aussi bien une vedette quand il s'habille, parce qu'il s'habille différemment des autres, ou bien parce qu'il peut être la personne qui va créer une mode. Une vedette, c'est quelqu'un qui, sur une scène, sort du lot, en fait, est un être parfait. Et c'est quelqu'un qui, quand il parle, quand il répond à une interview, est un type extraordinaire, enfin, sort du rang. Être une vedette, c'est être un être à part, enfin, un être exceptionnel. Voilà. Je veux dire par là que quelqu'un, par exemple, qui s'adresse aux jeunes, un chanteur qui s'adresse aux jeunes, doit devenir le jeune type, doit devenir l'image idéale que tous les jeunes voudraient être. Quelqu'un qui se veut anarchiste doit être l'image idéale que tous les anarchistes voudraient être. C'est pas une question d'originalité, c'est simplement aller jusqu'au bout de tout ce que l'on fait ou du personnage que l'on veut représenter. Bah, c'est-à-dire, moi j'avais déjà vu les essais que j'avais fait, les premiers essais qu'on m'avait fait passer tout au début, au moment où on commençait à dire qu'il faudrait essayer de faire le cinéma et tout. Et vraiment, j'avais été très, mais alors très, très, très déçue. J'avais trouvé ça abominable. Je disais, c'est pas possible que ça soit aussi mauvais. Enfin, j'avais vraiment été très, très démoralisée. Puis après, si vous voulez, au début, je me disais, j'arriverai jamais. En plus, le premier jour de tournage, j'ai commencé avec une scène où je joue pas du tout mon personnage. Je me suis déguisée et tout. Je fais très PDG, fume cigarette et tout. Donc, tout à fait l'opposé de moi. Et j'avais répété la scène et j'arrivais pas. Je ne le sentais pas, il n'y avait rien à faire. Je ne sentais pas le personnage, je n'étais pas bien. Enfin bon. Puis le jour de tournage est arrivé, il fallait bien que ça arrive. Puis je me suis trouvée dans l'endroit de tournage. J'ai été maquillée différemment. J'ai eu ma perruque, des lunettes, un tailleur marron très strict. J'ai eu Jean-Yann en face de moi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un déclic qui s'est passé. Et toutes les répétitions que j'avais faites où je me sentais pas bien et tout, ben là j'étais devenue quelqu'un d'autre parce que j'avais en face de moi d'abord Jean qui m'aidait beaucoup et puis parce que j'étais devenue quelqu'un d'autre parce que j'étais dans l'action, j'étais dans le décor, habillée différemment, j'étais une autre personne. Bon, je crois qu'il y a certaines idoles qui se brident une certaine clientèle au départ, c'est-à-dire que quelqu'un comme Antoine par exemple s'est mis à d'autres, par exemple, toute la génération des parents, la grande majorité des parents. Je dis pas des adultes, je dis bien des parents, dans la mesure où ils n'avaient peut-être pas tout à fait envie que leur fils lui ressemble, enfin qu'il ait du moins sur le plan physique. Il y en a. La même chose s'est produite pour Hallyday, qu'on a traité de bouson noir. Par contre, en France, les gens qui marchent, enfin les idoles qui marchent, sont celles qui sont les plus. Qui peuvent plaire également aux parents. Peut-être parce qu'on a, envie d'avoir Sheila pour fille, ou on a envie peut-être d'avoir Mathieu comme fille, ou comme ami, ou parce qu'elle représente, par exemple, une certaine catégorie de jeunes, bien, qui a l'air propre, bien habillé, enfin gentil, poli. Évidemment, je m'aperçois que je suis connue, si vous voulez, quand je suis dans la rue, parce que j'ai sans arrêt des gens qui me demandent des autographes, des choses comme ça, ou... Enfin, évidemment, si vous voulez, je ne peux pas vivre comme vit quelqu'un normalement. C'est-à-dire que je ne peux pas faire de lèche-vitrine, je ne peux pas aller dans un grand magasin, je ne peux pas aller dans une patinoire, je ne peux pas aller à la piscine, parce qu'il y a du monde et que je ne peux pas être tranquille. C'est là que je me rends compte que je suis connue et tout, mais je vis pas en me disant je suis connue, je m'appelle Tartemuche, pas du tout. Je vis avec... J'ai une vie très rangée. Je vis avec mes parents, enfin maintenant je vis au-dessus de mes parents, parce qu'ils habitent au 7e, moi au 8e. Et enfin, j'ai la vie d'une fille normale, si vous voulez, si ce n'est que je ne peux pas évoluer dans les rues de Paris librement. Mais autrement, enfin moi j'ai conservé mes anciens amis, mes anciens camarades, je les vois toujours. Je m'en suis fait de nouveau, bien sûr, mais je tiens à conserver un lien avec les gens que j'ai connus avant, parce que je trouve que... Ça vous permet de garder un équilibre qu'on n'a pas dans ce métier, parce que c'est vraiment la vie de fou, quoi. C'était les années 60, aujourd'hui 1967, deuxième émission. Document INA, Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune, Hervé Evano. Mixage, Claire Levasseur. Réalisation, Annie Douelle, une émission de Philippe Garbi. À suivre, et d'ici là, à télécharger, ainsi que les précédentes de la série, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.